la gueule qu'on met ta fia. Oula, oula, c'est dans la gueule qu'on met ta fia. Oula, oula, la. Paré à virer, les gars, faut déhaler. On se retrouvera quand on arrivera dans le port de Tacoma. Sur la mer qu'on met les mâts, oula, oula. C'est sur la mer qu'on met les mâts, oula, oula, la. Préparez à virer, les gars, faut se déhaler. On se retrouvera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la cale qu'il y a les rats, oula, oula. C'est dans la cale qu'il y a les rats, oula, oula, la. Préparez à virer, les gars, faut se déhaler. On se retrouvera quand on arrivera dans le port de Tacoma. Ça se met dans les bras. Oula, oula. Mais les filles, ça se met dans les bras. Oula, oula, la. Préparez à virer, les gars, faut se déhaler. On se retrouvera quand on arrivera dans le port de Tacoma. On se retrouvera quand on arrivera dans le port de Tacoma.